traversée des mers, je saurai faire des fées, des machines, narguer des lois, les foudres divines, ça m'effraie pas. Je sais prendre un coup, rendre si rivés des clous, ça j'ai appris. Je suis pas victime, je suis pas colon pour qu'on m'habille. Je sais les hivers, je sais le froid, mais la vie sans toi, je sais pas. Je sais pas.